Oriental Dream. Et si on allait danser Marrakech ou Saint-Tropez, puis chanter la guitare jusqu'à l'heure est tellement Antalya et Bodrum, ragadaga bam bam. Fuck, I'm gonna get down.